Allô? Allô? Bonjour Juliette. Bonjour. Prête? Oui. Super, alors chers auditeurs, bonsoir, bienvenue dans Beauté Imaginée. Moi, je m'appelle Alice, je suis passionnée par l'univers de la beauté. Je travaille d'ailleurs dans les cosmétiques. Et ici, dans chacun de mes podcasts, je vais m'intéresser au rapport qu'entretient mon invité avec la beauté et à sa façon d'imaginer la beauté finalement. Si ça vous dit d'ailleurs d'être mon prochain invité, n'hésitez pas à me contacter. Et donc ce soir, c'est Juliette qui m'accompagne pour inaugurer ma chaîne stéréo. Donc merci à toi, Juliette. On va parler de toi aujourd'hui. J'espère que tu es prête. Oui. Parfait. Alors, dans ce podcast de beauté imaginée, je vais commencer par te faire un petit test de magazine féminin. Je ne sais pas si tu as souvent l'occasion d'en faire. Ah oui, de temps en temps, j'aime Temps en bien. temps. Alors, du coup, le test que j'ai choisi ce soir, c'est dans le Marie Claire, c'est un test pour savoir ton type de beauté, à savoir si tu as plutôt une beauté naturelle, ethnique ou sophistiquée. Première question, Juliette. Quel est ton premier geste beauté le matin? Un grand verre d'eau, un scrub du visage, une lotion énergisante au ylang-ylang? Je dirais une lotion énergisante. D'accord. Deuxième question. Ce que tu ne supportes pas vis-à-vis des autres femmes, c'est celles qui se parfument trop, qui se mettent du mascara bleu ou qui utilisent des parfums d'hommes. Du mascara bleu? Ça te hérisse le poil. Me fait mal Alors, aux dans yeux. ta trousse, ouais, c'est ça. Dans ta trousse à maquillage, quel produit fétiche peut-on trouver à coup sûr? Une pince à épiler, de l'anti-cerne ou un baume à lèvres aux huiles essentielles. Une pince à épiler. Tu l'emportes partout avec toi? Ou en vacances, etc. C'est un peu par élimination. Ah oui, je Parce vois. que C'est vrai que souvent je n'ai avec les tests, ça pas peut être ça. d'anti-cerne et bah, j'essaie de l'emporter, oui. Parfait. Alors, quatrième question, votre ami vous invite, t'invite du coup à une séance de maquillage avec un make-up artiste. Je ne sais pas si tu as déjà eu cette l'occasion d'être maquillée Ah par non, un professionnel. ça ne Jamais m'est jamais encore. arrivé. Et dans ce cas-là, tu aurais plutôt peur que l'excès de maquillage t'abîme la peau, ou tu serais fascinée de voir comment il travaille, ou encore tu serais curieuse de voir ce qu'il va pouvoir faire pour toi. Ce serait juste sur une journée, c'est ça? Ouais, exactement, une séance Oui. quoi. Je dirais le deuxième. Je serais curieuse de voir ce qu'il Comment il ferait de mon visage. fonctionne et tout. Ah d'accord, Oui. sur toi spécialement. Ok. Oui. Hop. Cinquième question. Entre ces trois marques, laquelle est ton chouchou? Body Shop, Benefit ou Vegetables? C'est une marque qui utilise uniquement des légumes. Je ne sais pas si elle Ah. existe et je serais curieuse de vérifier, tiens. Je dirais Body Shop. Body Shop. Assez naturel, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, pour acheter tes produits de soins, tu préfères aller dans les grands magasins de beauté, sur un site bio où tu peux faire toi-même en fait tes cosmétiques, ou tu as besoin d'être séduite pour entrer dans le jeu, tu ne coucherais pas avec tous les hommes qui te plaisent, heureusement. Petit parallèle un peu hors sujet, mais on voit l'idée. Je dirais le premier. Les grands magasins de beauté. Oui, voilà. Pour un premier rendez-vous amoureux, tu préfères mettre en avant ta personnalité avec un make-up léger, éviter les rougeurs avec un peu de fond de teint ou mettre ton regard en valeur? Un maquillage plutôt léger, donc le premier. Après le travail, on te propose de prendre un verre pour rencontrer les amis de collègues. Toi, tu y vas directement ou tu rentres chez toi pour te changer d'abord ou tu te rafraîchis avec une lingette. Non, j'y vais direct, le premier. Direct. Oui. Avant-dernière question, ton miroir accuse des signes de fatigue ce matin. Oh, à moins que ce soit plutôt ton visage. Pour le réanimer, tu optes pour un sérum énergisant aux agrumes, un soin contour de l'œil ou un masque éveil fait maison au kiwi, tomate et miel que tu laisses 15 minutes poser. Une pro. Est-ce que vous pouvez répéter les deux premiers, s'il vous plaît? Tu peux me tutoyer, on se connaît quand même Ah depuis un petit moment. oui. Pardon. Ça fait plus professionnel, je suis d'accord, mais on va se la jouer détente sur stéréo. Du coup, c'est un sérum énergisant aux agrumes, un soin contour de l'œil ou un masque éveil fait maison au kiwi, tomate et miel. Le premier. Sérum énergisant aux agrumes. Voilà. Dernière question, Juliette. Tu pars en vacances au Maroc. Qu'est-ce que tu vas rapporter dans ta valise? Du kaul, de l'huile de rose ou du savon noir? Du savon noir? T'as déjà essayé? Je ne sais pas ce que c'est. Ça sonnait bien. Tu te dis comment ça peut s'utiliser un peu facilement. Tu sais, dans les hammams et tout, on peut t'en appliquer. Ça permet de. Après, avec la chaleur de l'eau, etc., que la peau élimine vraiment, enfin, d'éliminer vraiment toutes les saletés de la peau. Et donc, c'est beaucoup utilisé dans les hammams notamment. Alors, le D'accord. verdict, tu as une petite idée entre sophistiqué, ethnique ou naturel? Plutôt naturel. En effet, bien vu. Ta conception de la beauté se veut simple, en total respect avec ce que la nature t'a donné. Même si tu ne reconnais, si tu te reconnais, pardon, des défauts comme tout le monde, tu essayes de tirer le meilleur parti de ce que tu es pour sublimer. Par exemple, avec des soins nourrissants, en te faisant du bien à l'intérieur. Le résultat est plutôt concluant puisque ta peau rayonne de santé et toi, tu restes en accord avec toi-même. Tu es d'accord avec ce verdict? Ah ouais, totalement. Ouais, ça me caractérise bien. Alors du coup, je m'adresse aux auditeurs dans Beauté Imaginée. Les auditeurs, eux aussi, imaginent finalement ta beauté et qui tu es. C'est la force du podcast, du live. Est-ce que quelqu'un ce soir peut estimer l'âge, pourquoi pas, de Juliette, sa profession peut-être avant qu'elle ne se présente elle-même? Alors je ne sais pas si quelqu'un va vouloir participer et nous écoute pour ce premier live de Beauté Imaginée. Je sais que a priori on a quelques personnes. Voilà, je crois voir que nous avons 6 auditeurs. Alors, Ah, sauront-ils six nous personnes poser qui une nous écoutent. question? Vont-ils Exactement. oser? C'est ça. Je ne sais pas s'ils oseront. Si tu les as inspirés avec tes réponses au test, on va laisser encore quelques secondes. Moi-même, je n'ai jamais encore utilisé stéréo, donc j'imagine qu'on peut nous poser une question et que ça s'affiche. Ah, vous avez reçu un message. Cliquez pour écouter. Un message Alors, de ah, Lolo. je vais cliquer. Tu le vois toi aussi? Je vais le lancer. Bonjour, moi j'aurais dit que Juliette aurait autour de 30 ans. Ok, merci beaucoup, Lolo. Maintenant, on va voir ce que Léa Carbo nous Bonjour, moi j'ai une propose. question. J'aimerais savoir quel est ton produit indispensable pour la vie de tous les jours. D'accord, merci Léa Carbo. Alors déjà pour l'âge, est-ce que tu peux confirmer que tu as autour de 30 ans, Juliette? Pas loin, j'ai 27 ans. D'accord. Et maintenant, alors première question pour toi, ça tombe bien, après on allait rentrer dans le vif du sujet. Aurais-tu un produit indispensable dans la vie de tous les jours, ce que te demande Léa? Merci beaucoup les filles pour vos questions. Mince, comment ça s'appelle? quelque chose que je mets tous les matins et le soir sur le visage. C'était dans une de tes questions. Excuse-moi, Juliette. On a perdu un auditeur, je vois. Ah, un auditeur est revenu. Ça Donc, ressemble à du démaquillant, mais c'est pas du démaquillant. Je me rappelle plus du c'est nom. pour le visage plutôt? Oui, C'est ça? le visage. C'est C'est comme du peut-être une démaquillant, eau mais démaquillante? transparent. Oui, Eau voilà. Non, micellaire? pas exactement. Voilà, eau L'eau micellaire, micellaire c'est ça. peut-être? D'accord. Alors, l'eau Oui. micellaire, l'avantage, c'est que non seulement ça démaquille, mais en plus, ça tonifie la peau. C'est-à-dire que si l'eau est un peu calcaire, eh ben, ça va aider à retirer le calcaire pour éviter d'agresser la peau avec le calcaire, du coup. Ok, D'accord, super. bah Alors. ça j'en mets tous les matins et tous les soirs. Ah ouais. Eh bien, je pense que Ta peau doit te remercier d'être nettoyée régulièrement. Donc maintenant, dans Beauté imaginée, on va échanger sur ton expérience beauté, Juliette. Du coup, ta routine beauté, tu viens de commencer à en parler. Tu appliques matin et soir de l'eau micellaire. Est-ce que tu fais autre chose régulièrement? Oui, je mets de la crème anti-rides le matin et le soir. Ok, ouais. La trentaine approchant, c'est ça? Oui, enfin, ça fait quelques années, peut-être 1 ou 2 ans que je fais ça, oui, pour D'accord. éviter les futures rides. Ouais. Et plusieurs fois par semaine, je mets un gommage sur le visage. D'accord. Et puis c'est tout. Si je peux me D'accord. permettre, nous avons Sam qui nous a envoyé un message. Ah, tu vois ce prénom-là, parce que moi je vois Ajège Alexandre, c'est ça que tu vois aussi? Je vois Sam. D'accord, bon Bonjour. je. Bon. Bonjour Ajège Alexandre. Je pense que c'est à moi de peut-être citer les noms qui nous écrivent. À mon avis, toi, c'est peut-être un peu transformé selon si ça appartient à tes Oui, contacts. c'est peut-être parce En fait, que je me je suis le suis. trompé dans mon message. Je voulais savoir quel produit tu n'utilises pas au quotidien que tu aimerais ajouter à ta gamme beauté. Oh, intéressant. En plus, une question d'homme, Cool. ça c'est très intéressant de voir Ah un oui, homme qui il veut s'y voudrait en connaître. savoir plus. Ouais. Alors, dis-nous tout, Juliette. Peut-être mettre utiliser un peu plus de masque parce que Ah oui. ça, j'ai pas trop le réflexe. Notamment après les gommages, par exemple, c'est vrai que c'est souvent très conseillé après un Oui. gommage d'appliquer un masque parce que tous les pores sont Et ouverts. donc, Oui, c'est vrai que ça peut être une c'est bonne. oui, c'est mieux plusieurs fois par semaine que tous les jours, j'imagine. Enfin, il faut pas en mettre tout le temps. Oui, en effet, ouais, en général, on conseille de ne pas dépasser 2 fois par semaine parce que comme tu es censé faire un gommage ou un peeling avant, c'est peut-être un peu trop stimulant pour la peau d'être sollicitée comme ça tous les jours. Oui. Merci D'accord. Alexandre. On a aussi une question de Julien. Bonjour les filles. Bonjour Julien. Du coup, Juliette, on va continuer. Est-ce que tu trouves que le confinement, enfin, est-ce que toi, tu as dû changer un peu ta routine avec le confinement? Est-ce que ça a eu un impact? Je reconnais que oui. Avant, dès que je sortais, j'avais besoin de me maquiller. Ah ouais? Je pouvais pas sortir sans maquillage, en fait, même pour aller faire les courses. Ah d'accord, c'est ça ton Et seuil un peu. oui. Et depuis le confinement, ben, je me maquille un peu moins. Je D'accord. me dis Et comme ça, au moins, ça peut-être que ça laisse ma peau respirer. oui, Ça fait c'est une vrai petite qu'en pause pour ma général, peau. ouais, tout à fait. Il y a toute une tendance comme ça de, Oui, enfin, qui et consiste à peut-être que. utiliser de moins en moins de produits de beauté. Oui, et je pense que j'oublie un peu moins de mettre mon eau micellaire, ma crème tous les jours. J'en ai Ouais, plus le temps d'accord. pour y penser, Ah donc oui, je vois. voilà. Ouais, moins de transport, forcément, ça aide. Ouais, je vois. C'est ça. Et justement, tu disais, oui, d'habitude, tu te maquillais même pour aller faire les courses. Ça serait quoi, je parlais de seuil, éventuellement. Est-ce que quand tu descends dans ta cage d'escalier pour aller chercher ton courrier, tu dois absolument avoir du maquillage ou, enfin voilà, jusqu'où ça Eh va, bien, quoi? À partir de quand? avant le confinement, oui, je me serais mis au moins du mascara. Ah ouais? Mais maintenant, non, pas du tout. Maintenant, disons que si j'ai une sortie avec des amis, je vais mettre du mascara, oui, ou si je vais travailler. Mais sinon, D'accord. si je vais voir de la famille ou que je vais faire des courses, que je vais faire du Ah ouais, sport, ok. non, je mets rien. Tu peux t'en passer. Ok. Oui, voilà. Alors, la question suivante pour en savoir plus sur beauté inimaginée concernant ton rapport à la beauté. Le dernier produit cosmétique que tu as acheté, c'était quoi? Le dernier produit cosmétique. Peut-être justement une crème anti-rides. je dirais. Ah oui, ok. Et le dernier produit cosmétique que on t'a offert, enfin, est-ce qu'il y en a un dont tu te souviens? Un masque, je crois. Ah Sûrement un ouais? masque. Oui. D'accord. Et ça t'a plu? Je crois que je ne l'ai pas encore mis. Mince, la personne sera ravie si elle t'écoute, Juliette. Là, tout de suite, t'es maquillée, puisqu'on parlait de maquillage, au fait. Eh bien oui, je suis maquillée. J'ai juste du mascara. D'accord. Et sinon, je voudrais bien que tu nous fasses rire. Est-ce que tu pourrais nous raconter une bourde concernant les cosmétiques que tu as faites? Alors oui, c'était il y a longtemps, c'était il y a dix ans, T'essayes de... D'accord, ok. De sauver les quand j'étais meubles. au Oui, voilà. Quand j'étais au lycée, un matin, j'ai vu un petit bouton sur mon visage et j'avais D'accord. pas trop l'habitude. Du coup, j'ai emprunté une crème anti-bouton à ma sœur. J'ai une sœur qui a beaucoup de produits cosmétiques. D'accord. Et du coup, je l'ai appliquée sur une bonne partie de mon visage. Ok, alors que Et tu en n'avais fait, qu'un bouton. oui, je me suis dit, tant qu'à faire, peut-être que ça Ouais. va enlever le bouton que j'ai et ça va éviter les autres de venir. Ouais. Et il s'est avéré que la crème était périmée depuis 4 ans, parce Ouf. qu'après, j'avais la moitié du visage toute rouge. Et j'étais Ah au oui, lycée, donc d'accord. c'était pas Ah terrible. ouais, en général, on n'apprécie pas trop. Et t'es quand même allé, t'as été obligé quoi d'aller en cours. Bah en fait, oui, j'ai capté quand j'étais en cours. Oh punaise. Tu t'es vengé vis-à-vis de ta sœur? Non, non, j'en ai juste parlé. De sa crème périmée et elle a juste dit ah oui et elle a remis la crème dans le tiroir. Eh bah. Ah là là. C'est vrai qu'en général, on a tous des gaffes faites avec les produits cosmétiques, vu qu'on en utilise tellement souvent et parfois on ne sait pas exactement ce qu'on s'applique sur la peau, donc ça peut aller vite. Sinon, Voilà. est-ce que tu vas chez l'esthéticienne parfois? Alors non, jamais. Jamais? Tu n'y es jamais allée? Enfin, oui, c'est pas, ça fait pas partie de ton budget, etc. C'est même pas une question de budget, non, c'est plus Ouais. je ressens pas spécialement le besoin. Ouais, t'es autonome. Et Voilà. niveau cheveux, toi là, c'est ta couleur naturelle actuellement que tu as? Ouais. Je suis châtain. Ok. Et t'as déjà modifié ta couleur auparavant? Oui, peut-être deux fois juste. Qu'est-ce que j'ai fait? Une fois, j'ai fait des mèches blondes, un petit peu. D'accord. Ah non, pardon, j'ai déjà fait plusieurs fois un tie-and-dye. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est naturel, mais c'est vrai que ça donne un petit éclat. Voilà, Effet oui, ça soleil. donne un côté un peu naturel, j'aime bien. Et du coup, à quelle fréquence tu vas chez le coiffeur pour tout ça? Une à deux fois par an, je dirais. Peut-être, oui, deux fois par an. Oui, l'avantage du tie-and-dye, c'est que quand ça repousse, on est... Enfin, il n'y a pas l'effet Oui, il n'y a racine, pas le etc., problème j'imagine. de racines, voilà. C'est ça que j'aimais aussi. Et comment, alors ça c'est la dernière question un peu philosophique, entre guillemets, comment tu imagines la beauté dans 10 ans, enfin le rapport à la beauté de la société, etc. Est-ce que tu y as déjà pensé? Wow. Dans 10 ans, je pense que y aura beaucoup moins de filles qui se maquilleront, je pense. Il y aura beaucoup plus de Ah. personnes au naturel, Ouais. j'imagine. Il y aura énormément de produits bio, naturels, faits avec des produits Les naturels. ingrédients, ouais. Oui, voilà. Limite, limite fait avec ce qu'on a dans la cuisine, Ah oui, j'imagine. c'est vrai que ça se développe beaucoup, ouais. Oui, je vois comme ça. D'accord. Et tu t'as parlé des femmes, c'est vrai qu'il y a une tendance sur les jeunes hommes qui se maquillent aussi de plus en plus. Alors, tu imagines que c'est un effet de mode là actuellement seulement, ou que dans 10 ans, peut-être les hommes utiliseront encore plus de produits cosmétiques. Ah bah, T'en ça penses tombe bien. quoi? On a quelqu'un qui nous pose une question là-dessus, je crois. Ah, alors. Alors moi, j'avoue que les hommes et le maquillage, je m'y connais pas vraiment. Je connais aucun homme qui se maquille. Ouais. J'ai pas trop d'avis là-dessus. Ouais. Oui, non, mais c'est pas évident. De toute façon, c'est des prévisions. Et alors, je vais jouer la Moi, question, j'ai du une coup. petite question. Est-ce que vous pensez qu'il y aura de plus en plus d'hommes qui vont se maquiller dans le futur? Ouais, donc en effet, on est Mais... en plein dans le thème. C'est vrai Est-ce que, que comme. Comment, Juliette, pardon? Non, je disais que c'était la même question, oui. Ouais, totalement. C'est vrai que comme il y a toute une tendance sur le fait de moins faire la distinction entre les genres, etc., chez les jeunes, notamment les ados, il y a pas mal de garçons qui se mettent à utiliser aussi du maquillage et tout. Donc, c'est possible que ça se développe. Oui. L'avenir nous le dira. Alors, C'est du vrai, coup, non, je suis d'accord. ouais. Dans Beauté Imaginée, Juliette, on va maintenant attendre un peu que tu te présentes parce que là, nos auditeurs n'ont pas eu la réponse sur, à part ton âge, mais peut-être sur ta profession, tes hobbies. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi? Alors, du coup, je m'appelle Juliette, j'ai 27 ans, j'habite à Boulogne. Je Ok. suis data En région parisienne. analyst. Voilà. Ah ouais, d'accord. Je suis data analyst et sinon, j'aime bien le sport, cuisiner et j'aime beaucoup regarder des séries. Ah ouais, d'accord. Ok, super. La cuisine, c'est quoi, par exemple, ce que tu préfères cuisiner? J'aime beaucoup les mélanges sucré-salé. Ah ouais? Donc, j'aime beaucoup faire des plats, par exemple, à base de poulet et des choses sucrées à côté. Par Ah ouais, exemple, d'accord, ouais. du lait de coco, du beurre de cacahuète, des choses comme ça. Ah ouais, d'accord, les mélanges. Ouais, sucré-salé, c'est vrai que ça ouvre le champ des possibles en cuisine. Yes, voilà. Alors, on a deux interventions. Je vais les lancer. Nadia, déjà. Il y a aussi la K-pop qui influence énormément le maquillage, sachant que l'importance du maquillage masculin chez les Coréens, sachant l'engouement de l'Occident pour la K-pop, je pense aussi que ça joue quelque chose. Il y a beaucoup de femmes qui auraient trouvé, par exemple, les chanteurs coréens ben, plutôt efféminés, mais aujourd'hui, même maquillés avec fond de teint, avec rouge à lèvres, elle leur trouve une certaine virilité. Donc, les canons de la beauté, est-ce qu'ils sont en train de changer? C'est la question que je me pose. Ah oui, elle Très parle de la intéressant, K-pop, oui, Nadia. c'est vrai. Ah oui, donc avec les tendances asiatiques qui sont forcément un peu différentes, on peut revoir un peu les canons de beauté et nos critères. Donc oui, c'est vrai. C'est vrai que en matière de tendance, de toute façon, c'est toujours intéressant d'aller voir à l'international parce qu'en général, c'est l'avenir de la tendance chez nous, c'est ce qui se passe ailleurs, ça joue beaucoup. Ouais, en effet. Merci Nadia. Et nous avons également Kira. Tu as dit quoi? Tu as dit data analyst? C'est quoi ça comme profession? Ah oui, Alors, c'est vrai, éclaire-nous. oui, data analyst, c'est dans l'analyse de données. Ça vise à mieux cibler la consommation, en fait, pour aider les entreprises à revoir leur stratégie. Ouais. En gros, c'est ça. D'accord, ouais. Et Ça du coup, se développe c'est plutôt un beaucoup. métier. Plutôt un métier de bureau, de logiciel, etc. C'est Oui, ça? voilà, c'est faut aimer les ordinateurs. D'accord, super. Et donc, tu te plais bien dans ce boulot-là. Oui, j'aime beaucoup. Ok, top. Alors, Juliette, du coup, maintenant, on va passer, maintenant qu'on en sait plus sur toi, on va te tester un petit peu. Ce soir, dans Beauté Imaginée, j'ai choisi d'aborder le thème des ongles. Et du coup, je vais te faire un vrai faux sur tes connaissances sur les ongles, si ça te dit. Oui, bien Est-ce que sûr. tu es prête? Alors, il y Yes. aura 11 questions, comme ça, on va te faire une petite note à la fin. Alors, tu sais, les taches blanches qu'on peut voir sur l'ongle signifient un manque de calcium. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vrai. Eh bien, c'est faux. C'est en fait une idée reçue, figure-toi. Elles surviennent quand les cellules transparentes qui constituent l'ongle gardent leur noyau, en fait, qui lui est plutôt blanc, a priori. C'est un problème de kératinisation. Je mets du temps à dire le mot pour ne pas me tromper. C'est un mot assez long. Donc, en fait, D'accord. finalement, l'idée selon laquelle le calcium rendrait l'ongle plus solide est une idée reçue. Ensuite, D'accord. Juliette, du coup, le terme ongle, il aurait pour origine, en termes d'étymologie, le terme ongulé. Est-ce que c'est vrai ou faux? Le terme, pardon, Le j'ai terme perdu. ongle viendrait de Oui. ongulé. O-N-G-U-L-E, accent aigu. Bah, j'avoue que je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je dirais vrai. Alors, malheureusement, c'est faux. Ongulé, en fait, c'est, tu sais, la famille des animaux à sabots. Tout ce qui est D'accord. mouflon, cerf, girafe. Et en fait, figure-toi que le terme ongle vient de rognure, ce qui n'est pas très glamour. Ah oui, d'accord. Oui. Alors, troisième question. Pour la santé de l'ongle, le mieux serait de ne pas garder un vernis plus de 5 jours d'affilée. Est-ce que c'est vrai ou faux pour toi? Faux. C'est malheureusement vrai, Juliette. En fait, ça protégerait l'ongle. Donc, pendant 5 jours, ça pourrait même être avantageux parce que ça protégerait l'ongle de la déshydratation, par exemple. Mais ça serait mieux de ne pas le garder plus de 5 jours, en effet, pour quand même. Bah, alors, après, j'ai pas le mécanisme technique, mais j'imagine qu'on peut parler de respiration de l'ongle. Voilà, au bout de 5 jours, c'est bien de retirer son vernis. D'accord. Question suivante. Il existe des peelings pour ongles. Vrai ou faux? Vrai? Très bien. Oui, en fait, Ah. pour diminuer les stries, ça peut remplacer, tu vois, par exemple, la pierre ponce. On peut ouais, faire des peelings pour les ongles. Personnellement, je n'ai jamais D'accord. essayé. Je ne sais pas du coup si tu avais déjà testé. Non, pas du tout. À tester peut-être, ça peut peut-être être Oui. agréable. D'accord. Pendant la grossesse, les ongles ralentissent leur croissance. Au niveau de la croissance plutôt. La Ah. croissance des ongles ralentit, ça serait plus Oui. mieux dit. Je Alors c'est faux, elle a plutôt tendance à être accélérée, la croissance Ah. des ongles pendant la grossesse. Je ne sais pas si tu as déjà entendu le sketch de Florence Foresti d'ailleurs. Au sujet de la grossesse, qui disait que finalement, ce qu'on a de très beau pendant la grossesse, c'est les cheveux et les ongles, notamment parce que voilà, tout pousse plus vite et tout. Elle disait ce que tu as déjà essayé de draguer avec tes cuticules. Donc, ça répond un peu à ça. D'accord. Alors, donc du coup, c'était faux pour cette fois-ci. L'ongle a la même composition que les cheveux et les gencives. Vrai ou faux, Juliette? Oh, je dirais Très bien. En fait, il a bien la même composition, à savoir la kératine, les que les cheveux, cheveux. oui, je me Très disais bien. Mais bien. les gencives, ce sont des muqueuses, ça n'a pas grand-chose en commun. Donc, on est Ça à m'aurait deux étonné. bonnes réponses. Ah. Alors, est-ce que tu es droitière ou gauchère? Droitière. Donc, a priori, tes ongles de la main droite pousseraient plus vite. C'est vrai ou c'est faux? J'aurais dit l'inverse. Enfin, si jamais il y a une différence de vitesse entre les deux mains, j'aurais dit l'inverse, du coup, que les ongles de la main droite poussent moins vite. Pousserait Mais moins non, vite. C'est faux. Eh bien, c'est vrai, désolé. ce serait a priori la main qu'on utilise le plus dont les ongles pousseraient le plus vite. Et D'accord. d'ailleurs, toujours dans cette notion de différence éventuelle de croissance entre les ongles de pouce, ils poussent plus vite que les autres. C'est vrai ou faux pour toi, Juliette? Vrai. C'est faux, Juliette. T'as pas remarqué que les pouces, on a un peu du mal une fois qu'ils sont abîmés à les ravoir, entre guillemets. T'as peut-être pas fait attention, hein, mais... Justement, j'avais l'impression qu'il poussait vite, mais Ah, d'accord. Alors peut-être que tu as des pouces bioniques. Non, voilà. bah, a priori, en fait, un ongle de main pousserait de 5 mm par mois. Ce qui n'est pas beaucoup. Et les pouces seraient les plus lents, alors que les majeurs seraient les plus rapides. Ah, On a des d'accord. questions qui sont arrivées. Oui. On va peut-être du coup, faire une petite pause avant la fin du test, du vrai-faux. Alors, nous avons Léa Carbo. Le terme Kirin. Si c'est drôle que je trompe, c'est drôle, c'est drôle. J'ai pas Ah, compris. je Kirin. pense qu'elle voulait parler de la kératinisation, qui est Ah la oui. constitution de la kératine pour former l'ongle. Merci, Léa Carbo. Excusez-moi, j'ai un petit peu buggé sur le mot kératinisation, je crois que ça se dit comme ça. Est-ce que vous pourriez me l'épeler, s'il vous plaît, parce que ça m'intéresse beaucoup, j'aimerais faire des recherches. Bon courage. Je compte avoir le rendu de tes recherches après sur la Ah kératinisation, Léa Carbo, puisque pour l'écriture, nous aurons un K, un E, un R, un A, kérati, T-I, N-I-S-A-T-I-O-N. Voilà, j'espère que tu as suivi. Et enfin, petite intervention de Astrée. Moi, je pense que c'est les index qui poussent le plus rapidement. Ah. Ah! Alors, figure-toi qu'en fait, ce sont les majeurs. D'ailleurs, oui, je ne sais pas pourquoi, hein, je n'ai pas l'explication. Donc, l'index, a priori, ne fait pas partie du top de l'ongle, des ongles les plus rapides à croître, Astrée. Merci en tout cas pour votre intervention. Merci à Léa Carbo qui est très active ce soir. Alors, pour continuer, Juliette, on était donc à une, deux. Eh bien. Bonne réponse. C'est un franc succès. Vas-tu te rattraper avec les trois prochaines? Oui, je Donc, pense. en 2024, aux États-Unis, les ventes autour des ongles seront, selon les estimations de Research on Markets, d'environ 15,55 milliards de dollars. Donc, aux États-Unis, pardon, les ventes autour des ongles, selon toi, Juliette. Faux. Ben, bien joué. 15,55 milliards de dollars, c'est en fait les ventes qui ont été réalisées dans le monde entier. C'est Ah colossal. On peut voir que oui. du coup, le marché de l'ongle, c'est vraiment hallucinant. Bon, Ah ça reste une prévision, mais c'est quand même a priori en lien avec ce qui se fait actuellement. Donc, oui. tu as eu bon, c'est ta troisième bonne réponse. Le marché du vernis à ongles correspond à 67 millions d'euros en France en 2015 de vente. Qu'en penses-tu? D'accord. 67 millions. 67 millions d'euros. On était à 15,5 milliards sur le monde en dollars. Est-ce que 67 millions en 2015, ça te semble plausible? Je dirais faux. Alors non, c'était vrai. C'était vrai, Ah. Juliette. Alors, je suis navrée. Hop, tu es à trois bonnes réponses. Et nous avons notre dernière question concernant la tendance 2021 côté ongles. La French manucure à partie blanche très très large sera la grande tendance, une des grandes tendances ongles de 2021, selon toi, vrai ou faux? Faux. Bien, en fait, sur l'année 2021, on va plutôt être sur une tendance nude avec des motifs très discrets, des motifs graphiques, pourquoi pas. Et au niveau French manucure, ça correspondra à une partie blanche très très fine, au contraire. Donc c'est faux. Eh bien, c'est une note de 4 sur 11. Tu es fière? C'est pas terrible. Bon. Peut-être que tu feras mieux la prochaine fois si ça te dit d'être invité un jour à nouveau. En tout cas, sachez, chers auditeurs de Beauté Imaginée, que pour réaliser ce vrai-faux, j'ai utilisé plusieurs sources. Les nouvelles esthétiques, d'abord le magazine, le site Premium Beauté News, Divita également et Passeport Santé enfin. Je vois que nous avons un commentaire de Agège Alexandre. Avant de passer à la conclusion. Rebonjour, j'aurais souhaité savoir si j'aurais pu répondre à quelques questions aussi parce que je vois que Juliette a un peu du mal. Donc si je pouvais l'aider, dites-moi. C'est sympa, Alexandre. Oui, en effet, un homme qui s'intéresse à ce sujet de la beauté, ça nous Oui, fait je ne plaisir. sais Bon, pas comment pour le cette prendre, fois, mais c'est très voilà, gentil. bon, c'est sûr. Peut-être que la prochaine fois, on fera un duo de questions si Juliette, tu veux Oui. reparticiper, retenter ta chance. Peut-être qu'il veut Alors, en tout participer à cas, la prochaine émission. oui, peut-être. Oui. Ajège Alexandre, avec plaisir. Du coup, on arrive au bout de ce live stéréo, de cette conversation live sur stéréo de beauté imaginée. Je vais avoir deux grandes questions pour finir, mais je pose tout de suite la Est-ce que pour le troisième. prochain live, vous aurez de nouveaux invités? Et si oui, est-ce que ce serait possible d'y participer? Avec plaisir, Léa Carbo, avec plaisir. En l'occurrence, j'ai déjà quelqu'un en tête pour le prochain live, mais du coup, on peut fixer ça ensemble. Je verrai après comment te contacter, puisque c'est mes débuts sur stéréo. Et Et aussi, je dernière voulais vous dire, en tant intervention. qu'homme, j'ai beaucoup apprécié le deuxième questionnaire. Il m'a vraiment beaucoup intéressé. Donc voilà, la Ah deuxième ouais. partie m'a vraiment intéressé de mon point de vue à moi. Plus que la vie de Juliette, c'est ça que tu nous dis, Alexandre. Merci en tout cas, ravie, ravie que tu aies peut-être appris certaines choses. Juliette, justement, pour la prochaine fois, puisque Léa Carbo nous l'évoquait, est-ce qu'il y a un mécanisme, toi, d'action cosmétique, peut-être que tu aimerais comprendre, que tu aimerais que j'explique simplement, après quelques recherches, au prochain live? Peut-être au niveau des cheveux. J'avoue que Ah oui? je m'y connais pas trop. J'ai tendance à prendre un peu D'accord. n'importe quel shampoing. D'accord. Donc peut-être en savoir plus sur comment bien choisir son shampoing. D'accord. Peut-être En tout s'il cas, y en a vrai faux. des astuces intéressantes. Ok. Enfin oui, voilà, tout ce Sur. qui porte pour les shampoings. D'accord. Donc, en tout cas, justement, j'allais te demander quel thème tu voudrais que j'aborde avec la prochaine ou le prochain invité. Donc, les Ah oui. cheveux, avec plaisir. Voilà. On regarde si Astrée est de retour. Bah pourtant, je comprends pas. Les cheveux de Juliette sont vraiment jolis sur le Bitmoji. J'aimerais bien voir les mêmes. Ah Merci, oui, alors Astrée. peut-être, oui. peut-être que Juliette a bénéficié de la. Le côté dessin de l'émoji, mais on ne sait pas, on ne saura pas à quoi ressemblent ses cheveux réellement. Ok, du coup, est-ce qu'il y a un mécanisme peut-être propre aux cheveux que qu'on pourrait expliquer la prochaine fois ou bon, à voir. Du coup, en tout Non, cas, ce c'est sera les assez cheveux. général. Oui, voilà, les cheveux. Ok, d'accord, très bien. Si quelqu'un a une idée de voilà peut-être de quelque chose d'un peu plus pointu, entre guillemets, scientifiquement, qu'il aimerait entendre expliquer en rapport avec les cheveux, c'est avec plaisir que nous prendrons vos idées. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui sur Beauté Imaginée, parce que je crois qu'à 21h, tu as un rendez-vous important, Juliette. Oui, effectivement. Oui, un rendez-vous télévisé. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu aimes bien ne pas manquer? L'émission The Voice. Ah oui, d'accord. Bah, tu sais, J'aime bien on sait regarder maintenant le chat. que tu étais prête à t'appliquer de la crème périmée sur le visage. On ne sera pas choqué d'en savoir plus sur tes goûts télévisés. D'accord, The Voice, j'avoue, c'est assez sympa. Et puis, on ne Oui, sait ça pas que ça détend. dépayse, mais c'est une. Voilà, ça détend bien. Merci Voilà. infiniment, Juliette, d'avoir Ah, pas de problème, participé c'était avec plaisir. à cette inauguration. Je vais peut-être. Ah, on a deux dernières interventions. On ne va pas te laisser rater le début de ton émission. Mais en tout cas, chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous avez envie d'être mon prochain invité, donc il y aura déjà Léa Carbo à programmer, mais c'est avec plaisir. Si vous avez aussi une idée de question décalée sur la beauté, j'attends vos idées, ça peut être rigolo. On va écouter Merci l'intervention. beaucoup pour ce moment stéréo, c'était vraiment très agréable. Ah, merci Léa Carbo, avec plaisir. Merci d'avoir écouté. Moi, tout ce qui est rapport entre nutrition et beauté cosmétique, je trouve ça hyper intéressant, notamment le point que vous avez Ah. abordé avec le calcium tout à l'heure, la question du calcium, j'ai trouvé ça très très intéressant. J'avoue, pourquoi pas, ouais, dans le sujet un peu pointu à expliquer. Je vais réfléchir à ce sujet. Merci Alexandre et Nadia enfin. Moi, j'aime bien parler du scalp care. Apparemment, le scalp care, c'est le nouveau skin care. J'ai Ah oui. appris beaucoup de choses des Japonais. Je suis naturopathe et au fait que tout simplement, Ah. la peau du visage, la peau du crâne chevelu et l'extension de la peau du visage En fait, ça paraît tellement aberrant vu comme ça, comme on soigne la peau du visage, on l'hydrate et on ne pense pas du tout à la peau de notre crâne, Ah oui. alors que c'est la même. Donc, ce qui est très intéressant, ce que j'ai découvert et je donne comme conseil à tous les auditeurs, c'est l'urée. Cherchez des shampoings à l'urée pour votre cuir chevelu. Ça, c'est le meilleur Ah. hydratant exfoliant. C'est un actif qui est sous-estimé et qui marche non seulement pour les mains à une certaine concentration, mais en plus sur le cuir chevelu, il fait des miracles. Ah ouais. Il est hyper hydratant, il descame les pellicules et il donne finalement le. Ah, ça a été coupé. C'est hyper intéressant. Du coup, Juliette, toi qui voulais L'urée, avoir c'est ça? une idée. L'urée, ouais. Bah oui, Franchement, je vais essayer, Nadia. Merci. oui. Je me renseignerai aussi parce qu'il m'arrive d'avoir des pellicules, donc Ah pourquoi ouais, pas. c'est vrai que ça peut. Ouais, et c'est intéressant de s'inspirer d'autres habitudes et tout. Merci, Nadia. Oui. Et enfin, Astrid. Tata Dodo, est-ce que vous voudriez participer un jour? Je serais intéressée par d'écouter vos commentaires en tant que naturopathe. Ah Ah oui, oui. je crois qu'elle s'adresse à Nadia. Ah oui, d'accord. Ah, on n'a pas le. C'est fou, on n'a pas les mêmes noms qui apparaissent. Bah alors, Nadia, si un jour ça te dit d'être mon invitée, c'est avec plaisir aussi. Alors, on va clôturer. En tout cas, encore merci Juliette. Au fait, je voulais te dire que j'adore ton prénom. C'est dans mes prénoms préférés. Ah bah Merci super, beaucoup moi aussi je l'aime d'avoir. beaucoup. En tout cas, j'espère vous retrouver, chers auditeurs, prochainement pour mon prochain live sur stéréo dans Beauté Imaginée la semaine prochaine. Je vous tiens au courant de la date. Merci Juliette, à la prochaine, merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.